Eh ben écoute, tu mettras ça dans le bêtisier ou pas, dans l'épisode de base. Mais votez Front Populaire, faites pas les cons, s'il vous plaît. Ouais, ouais. Voilà, vraiment, j'ai très peur, en fait. Ah, voilà. S'il vous plaît, faites pas les bolos. Putain de merde, j'ai trop peur. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Les Compères, l'émission de Faucon Millenial où on review les épisodes de la série The Acolyte. Je suis Grushkov, veuillez-vous, mais vous pouvez m'appeler Maître et je suis accompagné aujourd'hui de mon compère Adrien. Comment s'est passée ta dernière mission, Adrien ? Mais écoute, extrêmement bien, puisque j'ai passé une semaine pas trop mal, finalement. Elle commençait pas bien, mais elle s'est bien terminée. Et en fait, il y a eu un switch à partir du moment où j'ai vu l'épisode de The Acolyte. Voilà, donc je pense que ça veut dire beaucoup. Eh ben, très bien. Ça, c'est bon signe, tu vois. Ouais. The Acolyte rend votre semaine plus joyeuse. Ouais, merci les lesbiennes. Hein. Ouais. Ah ouais, exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est ça qui est écrit au début et à la fin de chaque épisode. Hein. Merci les lesbiennes. Bravo les lesbiennes. Bravo les lesbiennes. Et aujourd'hui, du coup, on va s'attaquer à l'épisode 3 de la série qui s'appelle... Du coup, c'est pas avec des slash, Adrien. Tu avais peut-être tort, on verra. Mais celui-là s'appelait Destiny. Ceci dit, je comprends pourquoi il a qu'un seul, nom et pas deux. Il s'appelle Destiny, du coup. Il est écrit par Jasmine Flournoy et Aileen Shim et réalisé par Coconada, qui est un réalisateur américano-coréen. Ouais, et c'est qui, ça. Qui a commencé sa carrière en faisant des vidéos-essais. Je crois. C'est vrai, je connais pas du tout cet homme. Ouais, ouais, je suis allé regarder un peu. Ben voilà. Et puis il a fait un film. Je sais que notre ami Alex a recommandé son film précédent. Je me After souviens pas comment ça s'appelle. After Yang. Exactement. Ouais. Et exactement. Alors, avec dedans Jodie Turner Smith. Et avec. Oui, qui est. Le meilleur personnage de l'épisode. Mais on verra. De tout l'univers de Star Wars, à mes yeux. Mais ok, très bien. Et du coup, mon cher compère, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode ? Évidemment, sans spoilers. Oh, moi, j'adore quand Star Wars est weird. J'adore quand on me montre des trucs que j'ai jamais vus. Et j'adore quand il y a de la magie dans Star Wars. Il n'y en a pas assez. On en avait un peu avec c'est un mini-spoil, hein, mais avec, les Night Sisters et tout ça. Et là, on a un autre type de magie. Et j'aime trop, c'est trop bien, j'adore. Et c'est trop cool. Et l'épisode, en plus, il est beau. Et c'est tout nouveau. C'est vraiment rafraîchissant. C'est dans la veine de ce qu'on avait la semaine dernière. Et vraiment, narrativement parlant, c'est extrêmement simple. Mais qu'est-ce que j'ai aimé cet épisode. Qu'est-ce que c'était rafraîchissant. Oh là là là là là là. Et les lesbiennes. Oh là là, bravo les lesbiennes. Putain, dans la série, là encore. On les applaudit une minute. Ah voilà, une minute d'applaudissement à votre fenêtre tous les 20h pour les lesbiennes de Star Wars, hein, vraiment. Exactement. Hein. Faucon Millenial, tous les soirs à 20h, on applaudit les lesbiennes. Et toi, du coup, Grushkov, t'as aimé ? Oui, hein, évidemment, on pouvait. C'est. Comment dire ? Tout est un peu prévisible, mais pas dans un sens où c'est gênant. J'aime bien juste la façon dont c'est construit. Je suis très étonné que cet épisode-là soit arrivé aussitôt. Comme beaucoup de reveals qu'il y a eu avant, cet épisode-là, il nous pose des choses qu'on pensait avoir plus tard. Et la présentation est très bien. Je sais que beaucoup de trucs genre oh là là ça se voit que c'est tourné sur le comment ça s'appelle comment il s'appelle sur un écran tu vois avec un écran derrière et tout ce qui d'ailleurs n'est pas le cas hein, c'est des vrais sets et tout mais bon c'est pas grave Mais je sais que ça parle beaucoup du fait que c'est pas, ça respire pas tant que ça les décors et tout, mais je suis pas super d'accord. Mais j'ai adoré l'atmosphère extrêmement différente. Ça faisait vraiment petite communauté médiévale. Le fait qu'en plus c'est des sorcières. J'avais vraiment cette impression qu'on était dans un château médiéval à plusieurs moments. J'ai trouvé ça vraiment fun. Ouais. L'atmosphère de l'épisode et surtout. C'est un épisode qui est centré sur les personnages et la plupart des personnages sont vraiment vraiment cool. Ah ouais. Saul m'a encore époustouflé encore une fois alors qu'il a moins de temps d'écran. Il est trop fort. Et Jodie Turner, Turner Smith Smith pardon qui tu savais qu'elle allait crever l'écran, mais elle le fait d'une manière tellement différente que ce qu'on attendait. En tout cas, moi, Ah non, personnellement. je suis d'accord. Ah non, mais je suis d'accord de ouf, t'inquiète pas. Moi, je te bague dessus sans problème. Hein. Elle est trop forte, quoi. Elle est trop forte. L'écriture m'a beaucoup étonné, et puis voilà, elle te vend le truc à balle. Hein. Ouais. Non, mais c'est Voilà. clair. Mais t'as tout dit. Les termes, comme on dit. Les termes ont été dits. Les termes ont été dits, voilà. Les mots ont été posés. Du coup, maintenant, si vous ne voulez pas de spoilers, vous pouvez désormais quitter cet épisode. Nous allons aller un peu plus en détail sur ce qui nous a marqué, mais cette fois-ci avec les spoilers. Alors, 3, 2, 1. Zone spoiler, blablabla, Incroyable. ce qui est bien, c'est que j'entends pas, donc j'ai aucune idée de comment ça rend. Ça rend extrêmement bien, Grushkov, crois-moi. Oui, mais toi, tu aimes tout, t'es le plus gentil. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais il faut le dire, il faut le dire. On le dit et on le dit tout le temps. Pas assez à mon goût. Du coup, Adrien, toi, quelles sont les choses qui t'ont le plus marqué? Non, mais non, pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? Non, Je suis oui, il con. faut qu'on On fait va l'épisode, c'est suivre la ça. trame de l'épisode. On Voilà. va suivre la trame de l'épisode. Épisode qui commence du coup sur une nouvelle planète. Brendok. Oui, et 16 ans plus tôt. Ouh. T'étais surpris quand t'as vu ça? Un peu. Moi, je m'attendais pas à ce que ce soit l'entièreté de l'épisode, surtout. Mais ouais, j'étais un peu surpris de voir ça, comme tu disais tout à l'heure, déjà à ce moment-là dans la série. Je trouve que, et ça, je l'avais mis en partie tu sais, dans mon bingo disponible sur le Discord. Il y a souvent des séries drama, notamment drama series, donc des séries longues de 50 minutes ou en tout cas plus de 35, qui ont récemment, hein, depuis, je dirais, 5-6 ans. Dans chaque saison, t'as toujours un épisode, au moins un, centré sur soit un personnage secondaire, soit en flashback, soit, tu sais, qui est en dehors de la Oui, c'est temporalité vrai. normale. Mais dans toutes les séries, il y a ça, depuis 4-5 ans. C'est vraiment, Ouais. c'est pas que Star Wars, hein, vraiment, de manière générale, ça arrive Non, tout bah le on temps. se souvient très bien de The Last of Us. Hein. C'était Voilà. encore le meilleur épisode. C'était Ah, le. oui, bah. Moi, je me suis arrêté après cet épisode. Voilà, j'ai vu cet épisode, je fais bon, bah, on verra jamais mieux. Donc, on s'arrête là. Il avait pas C'est terrible. totalement tort. Non, mais il faut que je regarde le reste parce que ce qui paraît, c'est très bien et j'aime beaucoup les acteurs. Mais Ah oui. voilà. C'était vraiment, cet épisode était bluffant. Mais voilà. The Last of Us est un très bon exemple, mais il y en a des tonnes d'autres. Hein, et c'est un schéma qui est relativement courant maintenant dans les drama series. Mais c'est vrai que voilà, je m'attendais pas à ce que ça arrive si tôt dans la série. Et toi, du coup? Non, c'est sûr. D'ailleurs, tu viens de parler du bingo, ça me fait penser que j'ai quelques trucs qu'il faut que je mette là dans le mien. Alors, Ouh. est-ce que tu m'accordes de cocher cette case? J'avais écrit précisément un épisode centré sur un personnage secondaire. C'est pas exactement le cas ici, mais c'est dans la C'est même un idée. personnage principal. Oui, mais c'est en tant qu'enfant, c'est secondaire. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, écoute, on verra ça. Je dirais, mets-le de côté, on verra comment ça évolue. Back. Vous savez quoi, les auditeuristes, dites-nous si Adrien peut cocher sa case ou pas. C'est encore ouais, bien. J'avoue. Non, mais c'est une bonne idée de les faire, juger, voilà. Si vous dites non, je vous banne du Discord. Donc c'est très... c'est faux. Du coup, on commence tout de suite sur une petite fille qui joue avec des petits papillons. Elle essaye de... Enfin, c'est pas des vrais papillons, c'est des petits papillons Star Wars, on va dire, en CGI. Et elle essaye de d'utiliser la force dessus, mais bon, elle y arrive pas vraiment, mais heureusement, il y a sa sœur psychopathe qui arrive dans ses canards. bon, voilà, il y a Osha qui arrive, qui montre tout de suite que... non, c'est pas Osha, c'est May qui arrive. Ouais, May. Et qui montre, voilà, on voit déjà la distinction entre les deux et leur rapport avec la force, avec Osha qui est, non seulement elle n'est pas aussi talentueuse, mais en plus, elle a peut-être moins tendance à essayer de toute façon. En tout cas, pas dans le contexte dans lequel la série, sa famille lui présente, sa communauté lui présente la force sous un certain sens, mais elle a pas l'air de vibe avec cette vision-là particulièrement. C'est pas un truc qu'elle a un problème avec la force en soi, mais c'est la façon dont c'est donné. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, ça l'intéresse moins, en fait. Oui, mais après, on voit par la suite que c'est pas tant ça que aussi le... Elle est dépressive, la petite, en fait, en gros. Ouais, c'est... parce que, du coup, elle est dans la forêt, elle n'a pas le droit d'être là. C'est pour ça que May est venue la chercher. Et du coup, elle dit que voilà, elle vient là pour avoir de l'intimité, ce qui n'est pas du tout quelque chose que May cherche. Et ce n'est pas du tout ce que leur famille, leur coven, cherche. Très très vite, il y a Mother Coryl qui arrive, du coup une Zabrak, oui. qui les ramène à la maison, et on voit, qu'est-ce qu'on voit Adrien dans la forêt ? Dans la forêt, on voit Saul qui regarde les petites s'éloigner avec leur maman, et Saul jeune du coup, parce que ça se passe 16 ans avant, oui, donc il a ses cheveux courts. Ouais, et il est beau, putain, il est trop fort. Tu l'as dit déjà tout à l'heure, je pense qu'on va passer la moitié de l'épisode. Il est encore plus adorable, je trouve. Ouais, je pense qu'on va passer la moitié de l'épisode à encore dire à quel point Lee Jung-jae joue bien, mais c'est indécent d'être un aussi bon acteur. T'as pas le droit, en fait. C'est interdit par la convention. Non, mais c'est terrible. Il est trop fort. Et même là, il regarde juste les gamines partir et il est fort, voilà. Ça m'énerve. Ouais, il est là vraiment quelques secondes. Mais oui, ils sont surveillés, ces enfants, hein, par les Dudai. On sait pas encore trop ce qui se passe, parce que même au long de l'épisode, on n'apprend jamais pourquoi. Ouais. Hein, vraiment, ils sont là. Mais ils sont là. Et du coup, ils retournent dans la montagne, après. Et oui, ils retournent dans la montagne, ils retournent dans leur château. On dirait un silo, un truc, on dirait une plante nucléaire, tu sais. Je trouve qu'on dirait un peu un barrage, mais sans eau, et au milieu d'une montagne. Exactement, absolument, pardon. une forteresse, quoi. Oui, voilà, c'est ça, hein, c'est ça. C'est pour ça, je dis, ça a vraiment des vibes château à l'intérieur. Et les petites vont reconnecter avec leur maman. Leur autre maman, pardon. Mother Aniseya. Ouais. Et très très vite, on voit du coup, c'est elle qui est la chef, la leader en tout cas du coven. Ce sont toutes ce ne sont que des femmes. Elles sont toutes... comment dire, force sensitive. Et Mother Coryl est... Anisea, comment dire, on fait deux bébés. Peut-être qu'ils le disent pas maintenant, mais non, c'est plus tard, c'est plus tard. Mais en gros, c'est elle et les mamans, et elles ont pas la même vision des choses aussi. Tout de suite, on voit qu'il y a un petit truc de la façon rien que de d'élever et protéger les enfants. Avec Coril qui est un peut-être qui voudrait être un peu plus stricte, et Niseya qui veut aller plus avec le flow. Voilà. C'est ça. Et puis, en gros, ils disent bon. Anisea lui demande si elle a vu les Jedi. C'est qu'ils savent déjà que voilà, il y a les Jedi dans le coin et que voilà, donc c'est elles sont au fait. Ouais. Et d'ailleurs, les Jedi ont récemment bougé aussi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, il y a deux. On voit deux mamans qui. Alors, je pense qu'elles sont amoureuses l'une de l'autre. Hein. On le voit bien. Oui. C'est un couple, hein, donc c'est cool. On n'a pas vraiment droit à un bisou, mais bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Voilà, c'est ça. Ils ont été sages, mais ça se voit. Enfin, elle se touche la joue tendrement. Elle se colle. Bon, a priori, elles sont pas que colocataires, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a du finger blasting le soir. Hein, oh là là. Oh ta gueule. Ensuite, on a une présentation du coup par Anisea de comment. Ce coven, j'ai dit coven parce que je me souviens plus du nom en français. Non, mais c'est bien coven, couvent. Ce regroupement de sorcières. Ouais, un... Elle explique comment elle voit la force et tout, le thread. D'ailleurs, on voit le thread dans le ciel à plusieurs instants. C'est très intéressant. Et effectivement, encore une fois, c'est globalement la même chose. Hein. C'est comme les sorcières de Dathomir, c'est juste, c'est la force, mais d'une manière différente, même si elle l'utilise aussi. Par exemple, elle montre hein, en poussant avec la force et tout, ils peuvent faire ça aussi. Mais plus tard, on voit que ils ont d'autres choses qu'ils savent faire, qu'elles savent faire, en tout cas. Avec leur pouvoir. Et pendant ce temps-là, les petites, comme des vrais enfants, se disputent avec une qui veut être attentive et du coup veut forcer sa sœur à être attentive, mais du coup, pendant ce temps-là, elle écoute pas parce qu'elle elle est en train de rappeler à sa sœur « Eh, faut que t'écoutes !» Et l'autre, elle « Mais laisse-moi tranquille !» Avec du coup, Osha qui est absolument désintéressé, effectivement. Et May qui... Malgré tout, comme c'est prouvé un peu plus tard dans la scène, elle est forte. Elle arrive à tenir tête avec la force à sa mère. Ouais, c'est pas... Plutôt c'est pas mal, la petite. Hein. Qui a l'air d'être quand même la plus expérimentée, hein, Anisea, puisqu'elle arrive à pousser et à tenir deux Force Winders du Coven. Donc, c'est, a priori, c'est elle la qui maîtrise de mieux ce pouvoir magique. Maintenant, c'est drôle parce que vraiment, Osha, elle s'en fout. Elle veut pas être là, on dirait moins en cours d'SVT, quoi. Ouais, et en plus de ça, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais les filles se préparent pour une cérémonie. Elles se préparent pour l'ascension. Ça, on connaît, ça. Les chrétiens et tout... bon, c'est pas sûrement... c'est sûrement pas la même chose. Mais il y a une cérémonie qui les concerne. Il y a cette histoire de the power of one, the power of two, the power of many. Qui explique un peu cet aspect communautaire justement où en gros elles disent l'union fait la force et elles ont raison d'ailleurs et c'est pour ça que tout le monde devrait aller voter pour l'union. Le Front Populaire. C'est vrai, putain de merde. Non, mais elle avait bien taillé ça, les CLN. Hein. Bravo à elle. Hein. Putain, elle savait. Hein. Ils ont raison, les incels. C'est elle, c'est les lesbiennes qui sont derrière tout l'univers. Non, mais c'est vrai que c'est marrant parce que En fait, ils sont présentés un peu comme, voilà, enfin, un peu une secte, un petit peu, genre, presque dangereux sous bien des aspects. Tu sais, c'est un peu sombre, c'est un peu, comment? Un peu archaïque, leur manière de vivre et tout ça. Et en fait, bah, au final, quand tu l'entends parler à Niseya, ça a pas l'air d'être une méchante, quoi, au premier abord. Aniseya, elle a, elle passe à 2000% les vibes check, hein, je trouve. Elle a, elle est très, bah, nurturing, je sais plus comment on dit en français. Ouais, mais... elle est très très protectrice, on peut dire. C'est ça, mais pas dans le sens strict, ouais. Vraiment. C'est une maman telle que. Ouais. Tu t'attendrais à ce qu'une mère soit, même si c'est pas toujours le cas, mais... Non. Mais, enfin, je vois ce qu'on veut dire, vous voyez ce, qu'on... Ouais, ce ouais. que je veux dire. Ouais, là où Corinne, c'est vraiment, vraiment un autre type de mère, hein. Enfin, vraiment, le parent qui va être plus protecteur et strict, quoi. Et c'est cool, cette dualité entre les deux. Oui. Oui, oui, et puis c'est. On verra comment ça évolue. Oui. Parce que. Voilà. Et donc, du coup, les filles se préparent. Les filles se préparent pour la cérémonie. Voilà. Voilà, après ça, les filles se préparent. Et encore une fois, une petite dispute entre les deux. Parce que, voilà, encore ce côté de Osha qui veut être. Qui veut avoir son intimité. Et qui trouve ça chelou qu'il n'y ait pas d'autres enfants ouais. sur la planète. Mais qui est vraiment à fond là-dedans. Et c'est ça qui est, je trouve, est très intéressant dans cet épisode-là, c'est qu'au final, à aucun moment, on est du point de vue de Osha pendant pratiquement tout l'épisode. Et malgré tout, à aucun moment, le Coven est antagonisé. Il y a clairement des trucs qui vont pas, mais ils sont jamais présentés comme étant abusifs ou vilains ou quoi que ce soit. Il y a juste ouais. un moment, et franchement, ce moment-là, moi je trouve que c'est justifié parce que de toute façon, les Jedi ils avaient rien à foutre là. Ouais, c'est clair, non mais de ouf. Ouais, c'est ça qui est marrant, clairement, c'est des méchants, mais en même temps, bon, enfin, c'est des méchants. C'est des gens qui sont là et qui, a priori, ils sont présentés et ont l'esthétique des méchants, hein, les sorcières. Le coven, tout ça, enfin c'est des trucs, mm-hmm. c'est des archétypes dans les médias, enfin depuis toujours même en fait dans l'art qui, voilà c'est vraiment la secte, tu sais ils ont tous encapuchonnés, ils sont tous à on va dire praise, merde attends c'est moi qui parle anglais, voilà vous m'avez compris, à faire en sorte de valoriser quelqu'un en particulier une chef ou en tout cas une position de personne qui sera supérieure aux autres, et pour autant bah ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte, comment elle vivent, bah en fait elles font de mal à personne quoi. Elles disent jamais faut qu'on utilise ça pour aller buter tous les Jedi ou des trucs ouais, comme c'est ça. Ça alors vois. Pas encore hein. Peut-être qu'on se trompe, mais a priori pour l'instant elles ont l'air assez clean mine de rien, même si forcément hein, c'est une série, il va se passer des choses, mais à l'heure actuelle elles sont pas présentées comme étant un danger mmh. même pas du tout, mais moi je trouve ça bien parce que c'est comment même en fait pas du tout, c'est pas du tout un danger à l'heure actuelle oh. ouais. C'est super intéressant, je trouve, d'ailleurs, parce que c'est tellement la même chose aussi dans le monde réel, ce lien entre lesbianisme, la liberté des femmes, tout ça, et la sorcellerie, les witches, ouais. Tout ça, c'est... Et transposer ça dans Star Wars, et de cette manière-là, pour l'instant, je trouve ça super. Je trouve ça vraiment juste bien géré. Voilà, tout simplement. Ouais, et puis en plus, on voit un côté de la Force qu'on avait pas, une utilisation de la Force qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Et mine de rien, Leslie Adlon qui arrive pour sa première série Star Wars et qui te fait un truc aussi frais en termes d'utilisation de la Force. Et en même temps qui répond complètement à ce qu'est Star Wars, hein. Ben je trouve ça assez assez culottée, hein, si je puis dire, mine de rien. Non, mais c'est vrai, je la trouve extrêmement courageuse, Leslie Allen, de partir sur un truc comme ça pour sa série. Je trouve ça relativement ambitieux. C'est typiquement le genre de truc que t'aurais surtout en livre, en fait, dans ouais, l'univers de Star Wars jusqu'ici. Ouais, ouais, bah forcément. Ce genre hein, de... Je pense que les gens qui ont... Je pense que les gens qui ont lu la phase 2 de The High Republic ont forcément dû penser à c'est quoi, c'est The Path of the Open Hand. Ouais, ah, tout ça. À fait, tout à ouais. fait. Moi, j'y ai pensé dès les trailers, hein, ouais. Bien sûr, ouais, ouais. Mais là, c'est vrai que c'est... Bah, j'ai lu que le premier bouquin de la phase 2. Mais c'est vrai que moi, ça m'a fait penser à ça, en fait. Toute l'esthétique, même dans les grottes et tout. Enfin, tu vois, tu te dis, bon, c'est ouais. c'est... Enfin, bref. Du coup, elles font une cérémonie et May a fait le rituel. Et Osha, eh bien, est interrompue. Puisqu'il y a du bordel à l'entrée. Puisque les... Enfin, 4 Jedi arrivent dans la forteresse. Oui, alors juste avant ça, justement, pendant la cérémonie, on nous apprend que ces deux petites jumelles-là, d'après les dires de Aniseya, on ne sait pas si c'est le cas ou pas, mais elles ont été faites en manipulant la force. Ouais. Ça rappelle quelque chose, ça, non? Oui, ça rappelle quelque chose. Bon, et techniquement, c'est encore plus ambitieux. Il n'y a rien de... par rapport à Anakin, la dernière version qu'on avait par rapport à Anakin, qui est avant que le canon soit changé, c'était dans le roman Darth Plagueis, où c'était encore quelque chose de très différent, parce que c'était en essayant de manipuler la vie avec la force et tout, Plagueis et Palpatine, la force elle-même crée Anakin, c'est pas quelqu'un qui va le faire. Pour moi, c'est la vraie interprétation de ce qui s'est passé, même dans le canon. Ah oui. Même si on n'a rien de... Mais là, c'est quelque chose de très très différent. Et si c'est vrai, c'est très grave. Mais c'est intéressant. Et c'est... Je me demande pourquoi, déjà. Pourquoi elles font ça? Là, ça, c'est une des grandes questions qui sont pas encore répondues. Ouais, pourquoi créer deux gamines, quoi? Ouais, pourquoi faire ça? Est-ce qu'il y avait un but ultérieur? Ou est-ce que c'était juste laisser le flot de la force te guider et faire ce genre de choses-là? Ça pourrait être n'importe quoi. Pour l'instant, on ne sait pas. Et c'est effectivement, génial. Ils sont interrompus. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les Jedi arrivent, mais non seulement ils n'étaient pas invités, mais ils ont... apparemment, il y a un pont sûrement pour accéder à cet endroit-là. Et ils ont hacké le pont pour pouvoir venir, les Jedi. Ils ont même pas... c'est pas juste ils sont arrivés à la porte et est-ce qu'on peut rentrer? Ils ont hacké l'accès pour aller jusque-là. Ils ont, ils ont aucune excuse. Présumément. C'est vrai que c'est ce qu'on nous dit. Voilà, mais, je pense qu'il faut se méfier des apparences avec cette série. Hein. Je pense que cette série a été basée justement sur le fait que, attention, il y a des dichotomies un peu partout. Et je pense que peut-être que là aussi, enfin j'en sais rien, mais c'est vrai que j'ai vu des gens dire rappeler le film dont Rian Johnson s'était aussi inspiré pour The Last Jedi, Rashomon, où oui, l'histoire en gros t'as plusieurs points de vue et ta vision des événements se sont altérés à chaque point de vue, et peut-être qu'effectivement il y aura de ça aussi. Incroyable film, hein, vraiment foncé. Je l'ai jamais vu. Putain de chef-d'œuvre. Il est trop bien, vraiment. Il est trop, trop, trop génial. Et c'est cool que, en fait, je repars de Rian Johnson avec The Last Jedi, mais tu vois, c'est it rhymes, comme diraient certains, parce oui. que vraiment, voilà, George Lucas s'inspire beaucoup de Kurosawa. De Kurosawa, et puis bah voilà. Rian Johnson aussi derrière, il emprunte une autre œuvre de Kurosawa et c'était le meilleur clin d'œil à George Lucas qu'il aurait pu faire en faisant ce Star Wars. Bref, on va arrêter de parler à chaque fois de The Last Jedi parce que c'est vraiment un gimmick hein, maintenant. Non mais c'est intéressant parce que effectivement c'est cette différence de vision entre l'approche qu'avait JJ de on va faire de l'hommage à Star Wars, ouais, et la, les approches de ce type-là où c'est on va ramener non seulement nos choses à nous, mais aussi les choses que, qui ont inspiré George Lucas. Pas, pas ce qu'a fait George Lucas directement, mais ce qu'il a inspiré. Et je sais que Leslie a dit beaucoup, beaucoup qu'elle était très, très fan de Legends. Et du coup, c'est même pas s'inspirer de ce qu'a fait ouais. George Lucas, mais aussi s'inspirer ouais. de ce que George Lucas a inspiré lui-même. Et moi, je trouve que c'est ouais. une bonne façon de faire quelque chose de neuf aussi, et qui fait, qui peut rendre hommage, mais d'une manière totalement différente. En fait, c'est là moi, où ça me plaît beaucoup plus. Ouais, bien sûr. Mais c'est là où je pense que The Last Jedi et The Acolyte semblent se rejoindre. En fait, c'est deux œuvres qui parlent du mythe Star Wars. Oui, oui, clairement, là, on est dans un truc qui est très, très... Et c'est pour ça que... Ouais. Il y a beaucoup de comparaisons avec Andor, parce que juste parce que c'est une très bonne série, très réussie dans ce qu'elle fait, mais c'est extrêmement différent, parce que là, on est vraiment dans le côté mythique. Là où on était vraiment dans le côté politique avec Andor, et c'est bien qu'on ait les deux. Oui, bien sûr. L'un va avec l'autre dans Star Wars. Hein. Et ouais. Absolument, et c'est pour ça que... pour moi, c'est deux séries qui sont complémentaires. Un peu comme Last Jedi et Rogue One étaient très complémentaires, je trouvais. Et c'est pour ça que beaucoup de fans les opposaient, parce que c'est différents aspects de Star Wars, mais pour moi, ils vont ensemble. Et voilà, tout simplement. Je suis désolé, on est très très long, mais... Non, mais c'est bien. En vrai, je pense que les auditeuristes aiment quand on part dans des analyses comme ça. Mais... Et tu vois, c'est ça où Star Wars, c'est génial, et c'est trop bien d'en parler, parce qu'en fait, on parle d'une série, et on parle derrière de la saga, de la franchise. Et le fait qu'on arrive à les mettre en perspective l'une et l'autre, ça montre que voilà, on est dans la lignée de Star Wars. Cette série, c'est sans aucun doute un Star Wars, on va dire comme les autres, dans le sens où ça appartient à la franchise, ça traite des thèmes similaires, ça se fait d'une manière plus ou moins ressemblante, et on est dans Star Wars, c'est concret. On est en train de l'analyser là, actuellement en disant tout ça, on est dans Star Wars actuellement. Tout à fait. Anyway, back to the episode, guys. Après cette parenthèse, effectivement, donc les Jedi arrivent. 4 Jedi, absolument, Indara, son Padawan, Master Torben. Master Indara. Oui, Master, Maître Indara. Parce que pour le coup, c'est la seule qui, avec Torbin, qui donne son grade. Hein. On ne sait pas si Kanaka et Sol sont déjà maîtres à ce moment-là. Non, je pense que c'est juste des chevaliers à ce moment-là. Des chevaliers, ouais, je pense aussi. Ouais, parce que tu vois que Indara, elle a une autre prestance. Tu sens qu'elle est vraiment. C'est elle la chef, hein, clairement. C'est ça, voilà. C'est ça. Ouais. C'est elle la patronne, quoi. Elle est là parce que. Enfin, c'est elle qui a priori, est en position d'autorité parmi les Jedi. Ouais. d'ailleurs, je pense que parmi les sorcières, petite parenthèse. Mais Tuki, récemment sur un tournage, parlait avec quelqu'un qui était dans The Acolyte, qui parlait du fait d'avoir un costume avec capuche et tout ça. Et du fait que tout le monde était super content quand le Wookiee est arrivé sur le plateau. Et je pense que c'est la personne parlait de cette scène-là, parce que t'as toutes les witches et puis t'as le Wookiee, Kelnaka, que j'avais même pas fait attention, mais il a les côtés du crâne rasés et tout, c'est tellement, il est très très différent. C'est, on n'a pas l'habitude de voir des Wookiees rasés. Ouais. Alors, je sais pas si dans l'épisode d'avant, qui se passe 16 ans dans le futur, il a les cheveux comme ça. Je crois pas, non. La tête comme ça. Je crois pas non plus, ça m'avait pas choqué. Mais là, il a effectivement des crânes rasés avec, je crois même, des tatouages. Je suis pas sûr, hein. Mais il me semble. Faudra regarder. Moi, je croyais que c'était juste, il avait le crâne très sombre, mais. Mais il me semblait qu'il y avait des tatouages aussi. Mais tu l'as dit, le design, il est absolument trop bien, parce que c'est qu'on se le dise, et Solo, ils ont essayé. Hein. Ils ont essayé. Je ne sais même pas s'ils ont vraiment essayé. Mais différencier des Wookiees. D'autres différents. C'est pas facile. C'est Solo. Moi, j'adore ce film. Vous savez bien, c'est probablement un de mes Star Wars préférés ever. Mais... Ça goûte, ça donne des nightmares. Bah voilà, c'est ça. C'est bon. Voilà. J'ai dit nightmare, dire cauchemar. Oh la vache. Ouais, t'inquiète. Mais voilà, les Wookiees sont pas très, enfin, très beaux, quoi. Dedans. Mais. À part, franchement, Chewie, mais. Chewie, il a jamais été aussi beau que dans Solo. Il a bouffé tout le. tout le costume. Tout le budget costume du Wookiee. Voilà. Ouais, mais du coup, là, vraiment, on a un design différent. Et en fait, même les humains, ils ont des designs qui sont trop bien, quoi, dans cette série. Et c'est aussi la Haute République. Mais ouais, mais ça joue beaucoup. Et même pas que la Haute République, je veux dire, je te parle pas que de costumes. Je te parle même de design en tant que tel, tu sais, les coiffures, les comment ils se comportent, comment ils se portent, c'est trop stylé, quoi. C'est vraiment trop stylé. Ça a une aura. Bref. Ça a une aura, complètement. Ouais. Enfin, bref, on enchaîne. Les Jedi sont là et commencent à faire un peu les shows, là. Indara dit que, voilà, ils ont des enfants et voilà. Après que Aniseya se présente, les Jedi s'excusent de l'intrusion et puis... a priori, il pensait que ces planètes étaient inhabitées. Oui, hein, bien sûr. Dire de Master Indara, qui est une grosse menteuse. Voilà, je le dis. Ouais, hein, c'est fou, hein, de ce point de vue-là. Mais même s'ils ne sont pas agressifs ou quoi que ce soit, tu vois tous les trucs qui peuvent ne pas aller avec les Jedi. Et même le plus doux, le plus sympa, comme... Maître Sol, même lui, il force de ouf avec les petites en mode t'es sûr que tu veux pas être Jedi, machin truc et tout, t'es sûr, il faut dire là. Il lui montre son sabre laser. Et tout. Il est chou. Ouais. Mais ça en fait, force. C'est de quoi? Sa force, de ouf. Bah ouais, non mais de ouf. Mais ça, tu vois, dans un contexte... Nous, je veux dire, en France, c'est pas exactement pareil, tu vois. Mais en fait, au States, c'est un vrai truc que, c'est les mecs de l'armée, ils recrutent des gosses dans les parkings en leur montrant des guns, tu vois. Vas-y, regarde mon gun. Et vraiment, enfin, je veux dire, c'est impossible que, en écrivant ça, les scénaristes de l'épisode aient pas pensé à cette problématique, en fait. C'est impossible. C'est impossible qu'elles aient pas pensé au parallèle que ça pouvait avoir. Et ça rend du long, en vrai, sur les Jedi et sur comment la série va les appréhender. Ouais. Et c'est intéressant, voilà, d'avoir les Jedi un peu antagonistiques qui arrivent, qui sont... qui mentent, qui ont observé les enfants sans leur consentement ou des trucs comme ça, qui qui montent leur gun pour faire plaisir aux enfants. Et à côté de ça, t'as Aniseya qui est très très calme, mais elles n'hésitent pas non plus à prendre possession de Torben, je me souviens plus. Mais ça, c'est pas un truc qu'on avait déjà vu, en plus, je crois, dans les films à ce point-là. Ah, dans les films, si. Non. Je me souviens pas d'avoir vu ça dans les films. Et même dans les séries, ça me dit rien. Mais bon. à la rigueur, il y a un truc qui peut éventuellement s'en rapprocher dans The Last Jedi. Quand Rey, elle a des visions et que, tu sais, genre, elle perd un peu connaissance avec Luke, tu sais. Ça arrive, ça, non? Ouais, ça... Franchement, pour le coup, ça n'a rien à voir, je trouve. Bah, justement, je sais pas. C'est deux trucs très différents. Peut-être, ouais, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est curieux, cette utilisation de la force, qui est sûrement en vrai du côté obscur, hein, je pense. Mais c'est ça, mais est-ce qu'elles sont... Ils vont... Elles ont le droit, elles sont chez elles, et eux, ils viennent sur leur territoire, je veux dire. Est-ce que t'as pas le droit de te défendre quand t'es chez toi? Elles font du mal à personne. Techniquement. Oui, bah bien sûr, mais c'est pour ça que là on a pas tout en fait, on n'a pas tous les éléments, on a clairement pas tous les éléments, et c'est ça qui est trop bien. C'est une série qui va être encore mieux quand on pourra la revoir et qu'elle sera complète. Sûrement. Je pense qu'il y aura plein de visionnages où en fait voilà, on va se rendre compte ah mais ouais, en fait, si tel perso il agit comme ça à tel moment, c'est parce qu'en fait ici il est dans cette équipe là qui fait que voilà. Ça va être incroyable, c'est trop bien, j'adore. C'est une série qui est extrêmement mystérieuse et dans laquelle on se pose de plus en plus de questions à chaque épisode. Et moi, j'adore les séries comme ça. C'est pas pour rien que j'aime beaucoup Lost, tu vois. C'est parce que t'es toujours dans un mystère absolu et que tu te poses toujours plus de questions qu'avant. Et ça, j'aime trop. Et c'est cool qu'on en ait dans Star Wars. Et du coup, après avoir montré son gun, En gros, les Jedi, ils sont genre, oui, on va partir, mais on va tester les enfants pour voir s'ils pourraient pas devenir des Jedi. Je pensais pas qu'ils accepteraient aussi facilement, surtout que au début, ils sont en mode, ok, Osha va le faire parce qu'elle a envie, tu vois. Mais eux, ils sont là, genre, non, non, non, l'autre aussi, on la prend. Mais c'est quoi d'ailleurs le à un moment il parle d'une loi genre vous avez pas le droit de faire ça dans l'espace républicain alors qu'ils sont même pas dans l'espace républicain. Et je me souviens plus quel truc spécifique c'est. Je sais plus exactement, mais en gros ouais, les gens du Coven leur disent voilà, ouais, enfin vous avez rien à foutre là parce que c'est pas d'espace républicain, quoi. C'est tout, non? Oui, dans tous les cas, ouais. Ils ont rien à foutre là, les Jedi. Ils font vraiment comme chez eux. Ils sont vraiment mal polis. C'est clair. Non, mais cette grosse aile de colonisateur, là, c'est terrible. Mais bon. C'est ce qu'ils veulent, quoi. Anisea, elle est magnanime, elle les laisse. Faire leurs conneries, là. Mais il y a une réunion au Coven, du coup. C'est ça. Réunion des Darons. Mother Coryl n'est pas content. Comment? Mother Coryl n'est pas contente. Ouais, elle n'est pas contente. Et d'ailleurs, la plupart, elles sont pas toutes du côté d'Anisea, mais la plupart se rangent quand même dans la vie de le plus sage pour éviter la confrontation et tout. Et encore une fois, hein, les sorcières sont présentées d'une manière plus sympathique que les Jedi jusqu'ici. Ouais, c'est vrai, mais t'as raison, ouais. Et tu comprends tous les points de vue, évidemment. Moi, tu comprends la peur, tu comprends aussi le fait que il faut quand même laisser les faire confiance aux petites, en vrai. Et je pense que c'est un truc qui est une grosse différence entre les deux mamans principales. C'est que Coryl, elle fait confiance aux aptitudes de May, mais elle fait pas confiance spécifiquement à leur personnalité, aux personnes qu'elles sont. Je trouve qu'elle les traite plus comme un moyen de faire quelque chose. Elle est beaucoup plus concentrée sur le fait que elles doivent suivre les règles et apprendre à utiliser la force. Alors que Anisea est plus dans l'écoute, même si elle est toujours là vraiment dans son rôle de mère, elle est beaucoup plus à l'écoute de ce que les enfants sont. Et veulent, elle va jamais forcer May à faire un truc qu'elle ne veut pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Dans tout l'épisode, à aucun moment, Aniseya ne force un des enfants à faire quoi que ce soit spécifiquement. Non, c'est vrai. En tout cas, c'est pas l'impression que j'ai eue. Non, mais t'as complètement raison. Ouais. Je suis d'accord. Et du coup, c'est dans cette confrontation entre les deux mères qu'on apprend que Coryl, a priori, les a portés. C'est elle qui les a enfantés, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et qu'Aniseya les aurait créés. Ouais. Et là, alors ça. Et là, on va en parler. Là, c'est important. On en a parlé déjà un petit peu, mais voilà. J'ai vu effectivement des gens demander est-ce que c'est une dyade du coup, hein, le fameux concept sorti un peu à l'arrache dans Star Wars épisode 9. Mais je pense que c'est un phénomène différent et je pense aussi que ça a beaucoup un air d'interprétation aussi. Ça, c'est ce qu'elle ouais. pense qui est ouais. arrivé. Ouais. C'est leur vision du truc. Ils disent même pas ouais. qu'elle était pas enceinte avant. Ouais, ouais, complètement. Évidemment, il y a tout le truc de ils ont pas de père et tout, mais franchement, ça peut être interprété n'importe comment. Hein, bien sûr, déjà. Oui, non, et en plus, elle dit même pas qu'elle les a portés dans son ventre. Elle explique juste I carried them. Ce qui peut quand même avoir différentes significations. Mine de rien, quand tu te rappelles le truc. Enfin, voilà, c'est comme tu dis, libre à interprétation beaucoup pour l'instant, quoi. Voilà, et dans, que ce soit dans l'univers et au-delà. Mais c'est ballsy hein, de mettre un truc comme ça. Hein. Ah ouais, bah c'est absolument ce que j'ai dit en voyant l'épisode. Je me suis vraiment exclamé, purée, Lacey Headland, elle est ultra courageuse. Genre elle te prend un concept et même plusieurs hein, au cours de cet épisode et même de la des trois premiers pour l'instant, elle te prend des concepts vraiment des concepts qui sont pas les plus appréciés par George Lucas. Des concepts de George Lucas qui sont pas les plus appréciés par je comprends fans oui. de Star Wars. Je pense voilà aux midi-chloriens, je pense aux tests des gamins, je pense à la création. Oui, ils prennent présumée. Le sang. Voilà, ils prennent le sang. Tu vois, c'est tout ça. Et en fait, elle, c'est là où je dis qu'elle a bien fait ses devoirs, Lacey Headland, c'est parce qu'en fait, on en parlait justement. Elle s'inscrit vraiment dans l'univers. Elle embrace, tu sais, genre, elle embrasse cet univers qu'est Star Wars et elle y va à fond, quoi. Elle a envie de raconter une histoire là-dessus. Elle y va. Elle utilise tout ce qu'elle peut utiliser. Pour raconter son histoire et c'est trop bien. Moi j'étais trop content quand c'est un peu plus dans l'épisode mais quand des gamines se font tester bon, ils testaient midi-chloriens hein, c'est un truc qu'on a déjà vu dans l'épisode. Oui, bien sûr. Et j'étais trop content même si ils parlent pas de midi-chloriens, vraiment je me suis dit purée il y a pas de plus belle preuve d'amour à Star Wars que ça. Tu vois? Ouais. Quand Star Wars arrive à embrace, à prendre en compte même les éléments les plus bofs, même les éléments les plus contestés, et ben quand t'arrives à les prendre et à faire d'autres trucs derrière, pour moi c'est quand même une belle preuve d'amour. Ça fait partie de l'univers hein, de toute façon. Et ça fait partie de l'univers. C'est un truc qui est très important au final. Hein. C'est pour ça que c'est controversé aussi, c'est parce que ça prend aussi une énorme part dans l'importance de cet univers, de comment il fonctionne. Mais voilà, ça fait partie de l'ordre Jedi. Ils font ça. Ils regardent ton quotient midi-chlorien. Mais comment Non, voilà, c'est tout. c'est tout. Alors. Là du coup t'as la vieille du coven qui est quand même ouais, qui a l'air d'être une ancienne qui apparaît ouais. qui est une alien. Alors est-ce que t'as reconnu la race extraterrestre toi parce que moi, non je on dirait un vieux chien là. j'ai vraiment pas reconnu une race en particulier. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'on a déjà vu en vrai. Je crois pas hein ouais. Enfin voilà, et du coup qui dit qu'en gros les gamines elles doivent être testées, et enfin parce que justement si elles veulent que les gamines soient, enfin restent, bah en gros faut qu'elles se fassent tester quoi. Parce que j'ai bien compris. Oui. Attends. Ouais c'est ça. Ouais ouais. Faut qu'elles. Genre, en fait, si elles veulent rester, il faut qu'elles ratent le test. Et d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et ça va en contradiction avec ce que j'ai dit avant. Parce que c'est vrai que Aniseya leur demande de rater le test. Elle les force pas. Et quand c'est pas le cas, elle punit pas. Mais c'est vrai qu'elle leur demande de le faire. C'est ça. Mais... ça me fait un peu rire ce passage. Vraiment. Et comme s'ils avaient besoin, tu sais, d'une vieille sage pour dire aux gamines de rater le test. Tu sais, c'est... Peut-être qu'elle fait juste peur en fait. Ouais, ouais. C'est rigolo. Mais c'est pas la meilleure scène de la série, hein. Non, c'est sûr. Ouais. C'est bizarre. C'est, ouais. Ça fait penser, ouais, à ce trope de la vieille personne qui apparaît, qui a deux, trois lignes de dialogue et tout. Ça me rappelle, oh, non, tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle le gamin. Désolé pour le trigger, mais dans Harry Potter 3, le gamin, qui est ultra chelou là, qui est tout le temps en train de dire des trucs ultra mystiques, et il a genre le sinistro. c'est exactement ça. Le gamin, tu le vois jamais, il apparaît, il est chelou, et puis tu t'en souviens toute ta vie, quoi. Je pense que c'est un des grands méchants. Le Troulas boss, quoi. C'était lui depuis le début. En fait, c'était Voldemort et il avait changé d'apparence. Le dernier Horcrux. Oh putain, The Last Horcrux. Un gamin random qui apparaît de temps en temps pour dire des trucs de mine. Mais non, mais t'as raison. Et c'est vrai qu'en plus, là, en plus, ce personnage-là, là, de la vieille, elle arrive de manière genre. Random, et surtout, genre, elle arrive et elle dit un truc tellement bateau, tellement simple, que je me dis, putain, vraiment, elles doivent être un peu toutes connes dans le comédie pour pas y avoir pensé, genre, que les gamines, elles doivent rater le test, quoi. Genre, merci, Sherlock, c'est très... Mais... C'est un moment qui m'a fait... Je pense que c'est pas la bonne approche, aussi. Je pense que c'est une grosse erreur de leur part, et que elles auraient juste dire aux enfants de... Je sais pas. Je pense que le fait qu'elles demandent de faire ça, ça a clairement pas aidé à garder Osha, je pense. Hein. Ah oui, bien sûr, ouais. Y a une autre scène un peu chelou juste après, où... Quand elles vont faire leur test, Osha reste à l'extérieur pendant que May fait son test, et elle va voir Kelnaka, il lui crie dessus, et puis la scène est déjà finie. C'est bien. Il se tourne vers elle, et la scène est déjà finie. C'était étrange, j'ai l'impression que il manquait un bout de la scène. Je sais pas toi. La scène où Osha va voir Kelnaka le bricoleur, là? Ouais. Ouais, c'est vrai que, en fait, je m'attendais à avoir une scène, genre, ultra douce, ultra, genre, tu sais, où les deux seront un peu complices, tu vois. Et elle vient lui dire bonjour et tout, lui dit bonjour. Et puis, il se tourne un petit peu, j'ai la scène sous les yeux. Mais c'est vrai que c'est super rapide, en fait, t'as raison. Ça aurait été bien qu'il y ait un moment un peu privilégié entre les deux où, je sais pas, il lui montre ce qu'il est en train de faire, ou, il la laisse parler, ou il l'écoute, ou. Ça aurait été bien, effectivement, je pense que c'est une scène... Tu fais bien de me dire, je pense que effectivement ils ont dû la raccourcir, à mon avis. Je pense, hein, la façon dont c'est c'est on dirait. Hein. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, elle arrive vers lui, il se tourne, il lui fait juste un grognement, qui veut sûrement dire, voilà, bonjour, je parle pas de Sherry Wook, hein, mais c'est pas un grognement méchant, tu vois. Mais il y a aussitôt il y a aussitôt May qui descend du vaisseau. C'est vrai que c'est trop bizarre. Ouais. Ouais, ouais. Étrange. Mais voilà, Première fois que Ken Naka parle dans cet épisode. Je crois que c'est la dernière aussi. Et il a, j'ai l'impression, le même sound design que Chewie. Oh oui, j'avais l'impression aussi. Hein. Ouais, hein, parce que Chris Hanta n'a pas la même voix que Chewie, par exemple, dans Mandalorian. Là, c'est relativement similaire, j'ai l'impression. J'ai pas noté de différence du tout. Ouais, en tout cas pour l'instant. Ouais. Mais donc, c'est au tour de Osha d'aller faire le test. Et immédiatement, donc ils lui prennent le sang. Et ensuite, elle fait le même test que Anakin, où il faut deviner ce qu'il y a sur l'écran que Saul est en train de regarder devant lui. Ouais. Elle fait exprès de dire des bêtises. Ouais. Et j'adore comment. Pour moi, je trouve de tout l'épisode, autant le reste du temps, c'est Anis Eya qui carry, autant je trouve que dans cette scène-là, la jeune actrice qui joue Osha, elle fait très bien son job. J'aime beaucoup comment elle fait, par exemple, quand elle dit c'est une montagne, et puis Sol dit oui, exact, et puis elle fait. Mais c'est pas une. Et plus tard, quand elle dit il y a des enfants. Ouais, ah ouais, non, petite mère. En fait, tu sens que c'est une gamine qui est déjà. Et juste, tu sais qu'elle aime la justesse, je pense, au chat. Elle aime que, genre. Comment est-ce que je peux dire? Elle aime. Ouais, elle aime la vérité, en fait. Elle aime quand c'est juste. Je pense que je peux pas expliquer mieux. Et du coup là ouais, tu sens qu'elle tique et elle est énervée quand on lui dit que voilà que c'est vrai alors que c'est faux. Tu sens que voilà, ça l'embête un peu. Elle aime pas ça, et je pense que c'est important parce que c'est, j'ai l'impression, l'un des thèmes de la série, hein, démêler le vrai du faux, en fait. Et déjà, oui, jeune, comme ça, déjà jeune, ça l'embête un peu quand on ment, donc c'est rigolo. Ouais. Parce que voilà. Et déjà jeune, Saul lui ment. Alors peut-être qu'après, voilà, la série n'est pas finie, on n'en sait pas. Comment ça, il lui ment ? Bah, dans le sens où Saul lui dit « Oui, t'as raison, c'est bien un blaster, alors que non, c'était une montagne, tu vois. Enfin, » je sais plus exactement ce qu'il a dit. Exactement. Ouais, mais il sait que c'est faux, il fait exprès. Bien sûr, il fait exprès, bien sûr. Mais déjà, il y a cette dualité entre les deux, tu vois. Cette relation commence de manière, au final, pas si sincère, en fait. Tu vois ? Puisque c'est un jeu de mensonge entre les deux. Je vois. Mais oh, c'est vrai. Mais en même temps, il fait ça pour avoir la sincérité de son côté à elle. Et peut-être que ça aussi, bien c'est sûr. Un truc... ou peut-être que on va voir qu'il a menti aussi par rapport à d'autres choses. Ouais, moi je pense pas que Saul soit celui qui, enfin, qui soit le grand méchant de la série. Au contraire, je pense que c'est un des quatre qui. Je pense que c'est après voilà, j'ai pas vu la série encore, mais je pense que c'est un des c'est peut-être celui des quatre qui est le plus juste à mon avis. Oui, ben. Probablement. À moins, soit ça, soit c'est celui qui a foutu le plus la merde. Ouais, ouais. Je pense que c'est un des deux. Il lui fait tout un speech par rapport à quand par rapport au fait que les Jedi ils volent des enfants, mais la plupart du temps ils attendent pas qu'ils soient aussi âgés qu'elle. Hein. Lui, il a été pris quand il avait 4 ans. Oui, c'est ça, c'est ultra rare à cet âge-là de partir dans l'ordre. Il l'a. Je sais pas s'il fait exprès, mais il dit exactement les choses justes pour lui faire choisir de venir avec eux. Et ça aussi, c'est un truc qui est assez intéressant parce qu'il tape vraiment juste à chaque fois qu'il dit un truc. Genre, il y avait. C'était bizarre et tout, mais il y avait. Il y avait tellement plein d'enfants comme moi et tout, et c'est exactement ce qu'il fallait dire à Osha pour qu'elle... Ah, tu penses qu'il a prémédité ? Ah, C'est fait exprès, en tout cas. Ouais. C'est fou, parce que tu vois, c'est vraiment une enquête, en fait. Je me rends compte de plus en plus en regardant la série et en en parlant avec toi. En fait, c'est une série tellement mystérieuse que tu vois, on est là à se poser des questions sur... Et en fait, il n'y avait pas ça pour les autres séries Star Wars. Là, il y a vraiment plein d'inconnus à l'équation. Et c'est pas juste un récit chronologique standard. Là, vraiment, ça part dans tous les sens. Et il y a plein de questions qui restent en suspens. Et j'adore ça. J'adore ça. Ouais. Ouais, ça va être là pendant un moment, je pense. Hein. Ouais. Tant mieux, tant mieux. On pourra en parler chaque semaine. Mais évidemment, elle réussit son test. Ouais, elle est convaincue qu'elle veut, venir avec les Jedi. Et du coup, faut expliquer ça à maman. Faut expliquer ça à maman. Et maman. Mais déteste ça. C'est, elle pète un peu un câble. À tel point que Coril est obligé de partir avec elle, c'est ça que je pense. Peut-être qu'il s'est passé un truc entre Coril et May à ce moment-là. Peut-être, je sais pas. Parce qu'on voit pas ça, parce qu'on est du point de vue de Osha. Il y a une jolie scène entre Osha et maman Aniseya. Où... Je me demande vraiment pourquoi c'est terrible, mais pourquoi c'est parti autant en couille après. Est-ce que parce que elle la laisse partir, mais Osha au final, elle a pas fini, elle est pas devenue un chevalier Jedi, elle a quitté l'ordre, mais elle avait nulle part où revenir. Et c'est, je sais pas, ça m'a rendu triste parce que sa maman réagit de la meilleure façon possible, alors que ouais, son enfant vient de se faire enrôler dans un ordre qui, malgré évidemment le fait que c'est un peu les globalement sur le papier c'est les good guys, mais avec tellement de soucis. Ouais. C'est dur, c'est difficile, et elle arrive quand même à lui dire que bah, son choix compte. Et c'est ça aussi c'est qui est intéressant, c'est que même au final, le fait qu'elle ait quitté l'Ordre Jedi, c'était son choix aussi. Et de l'autre côté, ouais, et je pense qu'on va voir ce parallèle vraiment, que mais agit d'une manière où, comme si elle n'avait pas le choix, parce que elle n'a pas le choix d'être douée à utiliser la force, parce que maman Coril, elle a des attentes. Elle n'a pas le choix, mais d'être, de se plier à toutes les règles du coven, tout ça. Et, alors que Osha lui montre, mais non, on n'est pas obligé de tout suivre, mais bon. Bon. Et mais après ça, je pense que elle a pas le choix de devenir une acolyte. Tu vois ce que je veux dire? Et dans sa tête, elle a pas le choix. Elle doit se venger des Jedi qui ont fait tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce rift entre les deux où Osha elle a fait ses choix et ils étaient pas tous bons. Rejoindre les Jedi, c'était pas un bon choix de sa part, mais elle l'a fait et elle l'a vécu. Et puis quand elle s'est rendue compte que c'était pas forcément comme ça qu'elle voulait vivre sa vie, elle a aussi ouais, eu le choix de le quitter. Et attends, je veux dire, tu sais pas pourquoi elle a quitté l'ordre. On sait pas vraiment pourquoi elle a quitté l'ordre. Est-ce qu'il y a des raisons précise. Tu vois ce que je veux dire? On sait pas, mais elle a dit dans le premier épisode que c'était son choix. Elle insiste ouais, là-dessus. Ouais. Mais en fait, c'est marrant parce que, ouais, ça parle pas mal du choix, de... Et c'est cool, effectivement, c'est... Ça... En fait, ouais, Osha, c'est un peu... En fait, Osha, c'est marrant parce que Osha, c'est un peu la personnification de la liberté, là où Mei, c'est la personnification de l'enrôlement, ou en tout cas de pas des règles, parce que j'ai pas envie que ce soit qu'il y a un côté réac à mes paroles, mais c'est plutôt pas l'ordre non plus, mais tu sais, non mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire totalement, mais c'est plus cadré. Osha, elle est libre, ouais, et c'est là où c'est intéressant. Et elles excellent, hein, rapport... chacune dans leur propre truc. L'une et l'autre, et voilà. Et je pense qu'en fait, il y a un équilibre qui va être trouvé au fur et à mesure de la série entre justement la liberté et pas l'ordre, mais j'arrive pas à trouver un mot qui ressemblerait à ordre, mais qui ne serait pas non, ordre. Non, mais même, hein, dans les deux premiers épisodes, il y a Yord, hein, qui est le gars qui fait tout by the book, tu sais, qui... Ouais. Et tu vois la différence entre lui et les Padawans de Sol, qui toutes les deux sont capables de réfléchir pour elles-mêmes, de d'avoir des idées originales, des trucs comme ça, tu vois. Et ouais. Que pour Yord, il a beau être peut-être compétent en tant que Jedi, il a pas cette lueur que peuvent avoir les autres. Et je pense que c'est un peu ça qui est difficile pour May, surtout que c'est un enfant. Et elle comprend pas forcément les enjeux, et c'est pour ça qu'elle lâche out. Je sais pas comment dire, je sais plus. Je suis désolé, moi j'ai oublié le français. Hein. C'est bon, non, qu'elle s'énerve. Les auditeuristes de Faucomignol comprendront. Ah, oui, oui. Elle s'énerve totalement contre sa sœur parce que, en fait, elle a ce truc que parfois j'ai moi-même, que des fois je deviens, je suis en colère parce que des gens font des choses que je ne comprends pas. Et c'est pas forcément des choses qui sont mauvaises ou quoi que ce soit, c'est juste, je ne comprends pas comment les personnes arrivent à faire ce choix-là, parce que c'est pas comme ça que moi je le ferais. Écoutez, on a tous nos trucs. Oui. Et bref, elle a un peu ce truc-là, mais elle qui devient super en colère parce que elle comprend pas, parce que pour elle tout va bien, tu vois. Elle comprend pas que même si tout va bien, ça veut pas dire qu'on peut vouloir autre chose, tout simplement. Oui, c'est ça. Et du coup, elle décide de cramer sa sœur. Non, je déconne. Non, pour le coup, ouais, May arrive dans la chambre, de Osha, et justement, ça fait écho à ce qu'on disait, May, elle décide de partir, Osha décide de partir, décide d'être libre, et May arrive et lui dit très précisément « I won't let you leave. » Tu ne partiras pas. « You can't go. We're stuck here now. » Oui, parce que elle l'enferme et tout. Et elle brûle son petit cahier, son carnet où elle a dessiné le symbole Jedi. Et, oui, c'est vrai, oui. Et c'est marrant parce qu'on la voit jamais mettre le feu au reste. Non. Hein, est-ce pas intéressant? Ouais, un incendie commence à se déclarer et effectivement, lors de la, il y a, je suis dessus là et au moment où May a la lanterne qui brûle devant son visage. On voit qu'elle pleure, ou en tout cas, il y a des larmes qui coulent sur ses joues, ou qui a coulé. Oui, bien sûr, parce qu'elle est triste, quoi. Elle est triste, voilà. Mais puis en plus, on sait pas comme tu dis, on sait pas ce qui s'est passé de son côté avec Mother Coril ou ce qu'elle a pu lui raconter, tu vois. Donc en fait, exactement. Voilà. Exactement. Elle a brûlé le cahier, et puis bon, là, il y a un gros incendie qui se déclare devant la chambre d'Osha, et là c'est la merde. Donc Osha fait enfin gère un peu l'électronique au niveau du mur et puis arrive à quitter. C'était déjà une mecnec. C'était déjà, mais non, mais c'est marrant que tu dises, vraiment, en plus c'est rigolo. C'était déjà une mecnec, effectivement. Elle a déjà cette curiosité de l'autre et de, enfin, de l'ailleurs, tu vois. Cette curiosité. Et débrouillarde, en fait. Il y a aussi ça qui est très différent, peut-être entre les deux. C'est, et quand elle est adulte, mais elle a ce côté-là aussi, hein, mais, même si elle fonce tout le temps en tête baissée, d'abord, Osha est très débrouillarde. Elle trouve toujours une solution pour faire son, pour faire ce qu'elle, elle veut. Tu vois. Ouais. Je veux m'enfuir. Ok, comment je peux faire? Elle se calme. Ouais, c'est vrai. J'ai jamais vu ça. Ouais, là où justement May, elle fonce. Ouais, ouais. Et elle arrive à trouver des alternatives et tout, mais il faut d'abord qu'elle se prenne le mur, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, toujours. En fait, May est beaucoup plus brouillonne qu'Osha. Mais parce qu'Osha est beaucoup plus curieuse. Oui, tout à fait. Ouais. Et du coup, là, elles arrivent sur un pont, l'une en face de l'autre, et... Le gros réacteur, là... Ouais, tout commence à péter. Juste avant ça, quand elle est dans le tunnel, on entend les femmes crier et un sabre laser. Attends, j'écoute parce que je n'ai pas entendu ça. Il y a une explosion et tout le monde qui meurt. Pendant qu'elle est en train de ramper dans son tunnel. Là, ouais. Ouais. J'ai entendu l'explosion, mais je t'avoue que là, j'ai la scène sous les yeux et j'entends pas le sabre laser. Ok, d'accord. Bon, alors c'est juste l'explosion. Voilà. Mais en tout cas, là où j'ai regardé, il n'y en avait pas. Enfin, j'ai pas entendu. Mais voilà. Il y a une explosion, effectivement, des femmes crient. Et c'est pas genre un cri. Enfin. Peut-être que je me trompe, mais le cri, c'est limite comme quand elles sont en train de prier. En tout cas, c'est les vibes que j'ai reçues. C'est un peu en unisson. Plus que un cri de panique, c'est un cri en unisson. Mais je sais pas si c'est fait exprès ou pas. vu que toi tu l'écoutes, enfin tu l'as sous les yeux peut-être. Que non, ben là je pense pas que ce soit vraiment. Attends, je me remets le passage. Non, c'est pas tant à l'unisson que ça. Ouais. Je pense pas. Ouais, d'accord, c'est comme ça que je l'avais entendu. D'accord, ok. ouais, non, mais voilà. Mais en tout cas, du coup, comme j'ai dit, après, elles se retrouvent l'une face à face, et May dit, écoute, on a merdé, enfin. May dit à sa sœur que voilà, maman est morte. D'ailleurs, elle dit pas laquelle. Elle dit pas laquelle, ouais. À ce moment-là. Et puis elle vient d'en bas, mais. Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison. C'est étrange, ouais, en regardant le layout et tout. Déjà, qu'est-ce qu'elle faisait tout au loin là-bas? Est-ce qu'elle venait... Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai très hâte d'être dans 1, 2, 3, 4, 4 épisodes et de voir son point de vue. parce que... Tu penses que ce sera dans 4 épisodes, son point de vue? Le second épisode réalisé par Kogonada, c'est l'épisode 7. Ah ouais, oh la vache, d'accord. C'est l'avant-dernier, et je pense que c'est pas pour rien. Oui, ça serait logique que ce soit lui qui l'ait réalisé. Je pense aussi, que ça sera... voilà, je pense que c'est ça. Après, j'ai peut-être tort, mais c'est comme ça que je le vois. La façon dont les réalisateurs et tout sont distribués, ça a beaucoup de sens, parce que t'as l'épisode 6 qui est réalisé par Anel Culpepper, épisode 7 par Kogonada et celui d'après par Anel Culpepper. Ok, et le 4 et 5, c'est qui, tu sais ou pas? Alex Garcia Lopez. D'accord. Je ne sais pas. Il fait les deux? Oui. D'accord, ok. Oui, tout le monde fait deux épisodes. D'accord, très bien. Pardon, on est parti un peu en dehors de l'épisode, mais... Non, mais c'est bien qu'on parle de ça. Mais il y a tellement de choses à dire. Et pendant ce temps-là, voilà, il y a une explosion, le pont se casse. il commence à se casser encore plus. Et le plus mignon maître Jedi arrive. À chaque fois que je le vois, j'ai juste envie de le câliner, c'est terrible. T'as envie de pincer un peu ses joues et... Non, mais et, oui, et il est vraiment choupi, alors qu'il est vieux, tu vois. Il est vieux, mais il a ce côté enfantin. Quand il parle de... dans la scène d'avant, là, où... De quand il avait 4 ans, je suis en genre... Mais tu as toujours 4 ans, là. Je sais pas. C'est vrai. Mais son sourire est vraiment incroyable, pour le coup. Hein. Il a un sourire extrêmement doux et... Mais là, il est pas en train de sourire du tout. Il est... Non, bien sûr. Ouais. Il est très concerné. Dans concerned, c'est pas la même chose en français. Inquiet. Il est inquiet, voilà, pour les petites. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, il appelle les deux petites, hein, pas juste Osha qui vient récupérer. Ouais. Il appelle les deux petites avant même de les voir. Donc, il est vraiment en train de venir pour essayer de les sauver. Et pour la deuxième fois de la série, il sauve Osha d'une chute. Absolument, il la rattrape avec la force. Putain, ça, tandis que Mei tombe a priori. Non, là il la rattrape pas avec la force justement cette fois-ci. Non, t'as raison. Il l'attrape avec sa main. Avec la main, ouais, t'as raison. Justement, on trouvait avec Chucky que c'était un détail assez intéressant parce que c'est clairement, voilà, c'est la rime hein, à la Lucas. Mais justement, la rime, elle est différente. Enfin, c'est le principe, justement. L'épisode 7, où il y a beaucoup de trucs comme ça, où certaines des rimes sont réussies et il y en a d'autres où c'est genre. C'est pas une rime, ça, c'est juste une répétition. Et là, c'est intéressant. Et justement, oui, il n'arrive pas à sauver Mei qui meurt, quoi, qui tombe dans le vide. Ouais. Et ils se mettent à courir tous les deux. Et ils s'arrêtent d'abord à un attroupement de, a priori, personnes mortes par terre. Et, ouais, dans le... Et Osha et commence à paniquer. Alors, il continue de courir. Hein, Sol l'apprend et continue de courir jusqu'à... arrivé dans d'ailleurs. Une autre salle avec des cadavres où Mother Aniseya et là il y a un détail que j'ai sous les yeux que je m'étais pas rendu compte au moment du premier visionnage, mais Saul a l'air d'être vraiment choqué de voir Aniseya par terre comme ça. Il a l'air de pas, je sais pas après peut-être que c'est parce qu'on est du point de vue comme on parlait hein, Rashomon machin truc tout ça, comme on est du point de vue de Osha, oui, peut-être que c'est vrai, comme ça qu'elle se souvient qu'il a réagi, mais peut-être peut-être que c'était pas le cas, mais oui, il a pas l'air, il a vraiment ça va être bizarre si ça va être choquant s'il a fait une bêtise parce que il a l'air vraiment d'être un vrai Jedi, tu vois ce que je veux dire. Contrairement à Indara, qui est très très grave et tout, qui est très... très froide, ouais. Froide. Ouais, complètement. Même Kelnaka, dans le premier épisode où on l'a vu, l'épisode précédent, il gueule sur des sur des gens qui sont proches. On a dit, c'était Shrek, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et vieux et gris. Comment il s'appelle, Thorbin, il est trop jeune. Je pense. Ouais. Et du coup, Sol, c'est le seul qui fait très, très l'image qu'on imagine du Jedi noble et qui met protéger les gens en premier. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est les vibes que j'ai. Non, mais t'as raison. Ouais, non, mais complètement. C'est pour ça que je dis que vraiment, ouais, c'est celui qui fait le plus naturel, quoi. Parmi les quatre, voilà. Et du coup, on arrive avec Osha qui se réveille, dans le vaisseau des Jedi, a priori, où se trouve Saul, qui est à son chevet, et derrière, Master Indara et son padawan, Thorbin, qui du coup, des blessures sur le visage, hein, les fameuses qu'on a vues dans les épisodes. Il est juste dans le fond, mais tu vois que ça y est, il a sa blessure à travers le visage et l'œil. Je l'avais pas vu avant de, que tu fasses ta réflexion sur le Discord. Et effectivement, moi, je n'avais vraiment pas fait attention. Ouais, ils l'ont caché léger, hein, dans le. Ouais. Ils l'ont caché dans le fond dans cet épisode-là. Ce qui est étrange parce que. Mais après, encore une fois, c'est le point de vue de Osha, donc. C'est pas forcément son. c'est pas forcément la chose dont elle est le plus. Comment dire? Enfin, c'est pas le détail le plus important dans sa vie, là. Non, ouais, c'est une vrai. Une scène vraiment où Sol, Et encore une fois, là, on dirait qu'il essaye de s'excuser, en gros, et il lui promet qu'il va l'entraîner comme son padawan et tout. Et. Il est vraiment, il est adorable, mais en même temps, on dirait qu'il fait ça par culpabilité. Enfin, je sais pas, c'était ouais, un bien peu sûr. Ce que je voyais. Et pas forcément pour des choses qu'il a faites, mais pour, par rapport à toute la situation en général, hein, ça peut être ça, tout simplement. Et, tu vois, c'est bien de voir les Jedi qui ont des émotions aussi, hein, de temps en temps. Ouais. C'est vrai qu'on voit, enfin. Ouais, cette série nous montre un spectre de Jedi, voilà, enfin, nous montre ouais, un autre tous, côté tous du très différents. Hein. Ouais, c'est cool, hein, ouais. Et c'est là que l'épisode finit, du coup. Oh non, attends. Non, on voit non, l'arbre. C'est pas là que l'épisode finit. On voit l'arbre à la on voit fin. Un arbre, l'arbre du début de l'épisode. Et May. Et May qui appelle sa sœur. Ouais, qui est en pleurs, voilà. En tout cas, bon, je veux dire, rien que cette scène-là, elle offre quand même des éléments de réponse au fait que voilà, bon, elle est au bout de sa vie, elle a perdu toute sa famille, elle a perdu sa sœur jumelle, qui est probablement l'autre elle membre pense de qu'elle sa est morte ou dyade un truc dans la comme ça. force. De quoi? Elle pense peut-être qu'elle est morte ou Oui, enfin, voilà, je sais, elle l'a déjà. perdu. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Elle a Dans perdu. tous Elle les est toute sens seule. du terme. Voilà, là concrètement, elle est vulnérable au côté obscur et Bah c'est là ouais. où je pense qu'on va en savoir plus peut-être la semaine prochaine mais voilà a priori elle a ce qu'il faut pour sombrer la petite Et c'est vraiment c'est ça quand tu prends du recul et tu dis elle est toute seule et comme on disait avant c'est quelqu'un qui très forte pour suivre les ordres et tout. Mais ouais. Comment dire? Et là, elle a plus de repères. Elle a plus de repères. Elle a tout perdu. Elle a tout perdu. C'est vraiment pas facile. C'est pour ça c'est que dur. Tu vois, j'avais pré-shot que she has done nothing wrong. She's just a baby. Ah, j'avais raison, putain. Oui, clairement. En tout cas, il y a plus. Et d'ailleurs, c'est le seul moment de l'épisode qui est du point de vue de May. Tous les autres, c'était soit du point de vue de Aniseya, soit du côté de, pardon, du point de vue de Osha. Et là, ouais. Cette toute dernière scène, c'est May. Et je me demande ce qui lui est arrivé à cette pauvre petite. Aïe, écoute, aïe, aïe, aïe, aïe. Affaire à suivre, hein, mais j'espère qu'elles vont se retrouver et qu'elles vont se faire un câlin. Voilà. Ouais, on va voir. En tout cas, ça a été très, très, très long. Mais pour conclure, du coup, je te propose de finir en parlant de trois choses dans cet épisode qui t'a marqué. Que ce soit les personnages, l'écriture, la réalisation, décor, quoi que ce soit, juste trois choses que tu retiens de ce visionnage. Mother Aniseya, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La coiffure de Ken Naka. Et le fait qu'on voit des trucs un peu bizarres avec la force. Ça, j'aime bien quand ça arrive. Ah ouais. Et toi? C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, vraiment, Aniseya. Cette nouvelle. Juste les sorcières en général. C'est bien d'avoir encore un nouveau petit truc. Ça rappelle évidemment les sorcières de Dathomir sans être vraiment la même chose. Et pour le troisième, j'aurais dû réfléchir avant. Ouais, c'est dur, hein. Chaque semaine, tu vois trois trucs après avoir un. Peut-être qu'on va réduire à deux parce que c'est le pouvoir de deux, des deux. C'est vrai, oh, bien vu. Mais bien je vais en trouver un troisième quand même pour aujourd'hui. Mais. Mon cher Adrien. J'ai globalement, c'est mon épisode préféré pour l'instant. Hein. Et pourtant, il manquait Jackie et ouais. Et Kaimir. Ouais. Tu sais quoi? Juste, Aniseya est tellement bien, je pense que je vais la dire deux fois parce que. Oh là là. Bah attends, bah moi aussi alors, hein. Aniseya. Bah vas-y, bon. Vas-y. Voilà. T'as le droit. Bah, parfait. Parce que vraiment, vraiment, c'est juste, elle prend toute la place dans mon cœur. Eh, bravo les lesbiennes, hein. Bravo les lesbiennes, tout à fait. Enfin, on va voir parce que peut-être pas. Peut-être pas, c'est vrai. Le perso est vraiment charismatique et son design, il est incroyable. Je veux dire, ses dreads, son espèce de tenue, sa longue robe et tout, comment elle marche, comment elle parle, comment. Oh là là là là, tellement stylé, tellement stylé. Oh. Voilà, c'est tout. Tout ce que j'ai à dire. On a beaucoup parlé, hein. Tout à fait. Non, voilà. Non, tu sais quoi, pour mon troisième, je sais ce que je vais faire. Je l'avais pas vu. C'est Maddy qui l'a pointé du doigt dans la scène où il y a la vieille qui vient parler et tout, là. En plein milieu et qui a quelques lignes, il y a Philosophy Tube Abigail Thorne, qui est, du coup, à ma connaissance, la première femme trans à l'écran dans du live action Star Wars, si je dis pas de bêtises. J'ai l'impression, ouais. Il n'y avait pas dans Andor. Tu sais quoi? Faudra regarder. Faudra que je vérifie, mais en tout cas, c'est le cas. C'est le cas là, en tout cas. Il y a une femme trans à l'écran qui parle. Oui, même bravo. Dans. Trop bien. Il était temps, putain. Et voilà, déjà, voilà, très bien. Non mais, comme quoi, les sorcières, vous voyez, il y en a qui sont pas terf, hein. C'est possible. C'est vrai. C'est intéressant de... Effectivement. Et voilà, donc, là, c'est tout pour cette semaine. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour discuter de l'épisode 4 de The Acolyte. Oui. On remercie chaleureusement Clara, Anthony et Adrien pour leur soutien sur Patreon et on vous souhaite une bonne chance pour votre prochain assassinat. Tu vois, j'ai ajouté un truc cette fois-ci. Et n'oubliez pas, la paix est un mensonge. Ciao. Bye. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millenial. N'oubliez pas de suivre le podcast sur Instagram et Patreon pour encore plus de rigolades. Bisous. Ouais, je me suis dit, je sais pas quoi mettre à la place de bonne chance, alors du coup, je vais non, élaborer. Si. Mais en plus, je trouve ça plutôt adapté au contexte actuel.